nombreux avantages de ça y est, temps. C'est bon. Nous allons donc aborder à cette séance la question de la LRU et des compétences élargies, les enjeux et les problèmes. Tout petit préalable pour les collègues de l'école qui sont ici, c'est une question particulièrement importante parce que se discute à l'heure actuelle l'opportunité ou non pour l'école de s'inscrire dans ce mouvement et de passer aux compétences élargies. C'est pourquoi j'ai demandé au secrétaire général, donc Hubert Jauneau, de bien vouloir exposer en quelque sorte les principes et les perspectives du passage aux compétences élargies et de passer du rameau aussi de la LRU, je crois. Voilà. Et puis ensuite, Christophe Pébart dira sa position par rapport à cette question, donc pour un refus raisonné des compétences élargies et de l'autonomie. Voilà, avec un petit contre-temps de séance, c'est que Christophe Pébart devra partir en fait avant la fin de la séance, mais ça n'empêchera pas de discuter de ces questions. Merci, et donc je vous donne la parole tout de suite en vous remerciant d'avoir accepté de participer à cette séance.